Bosco d'Ouiman. Bonjour à vous tous, merci de nous rejoindre sur les 5 Aniros. C'est la grande édition de ce 10 mars 2021. Voici les grands titres. Des vendeurs de farine importés exerçant au marché de Kinama et Djabé à mairie de Bujumbura estiment que la suspension de l'importation de la farine ou des graines de maïs a été hâtive et demandent un délai de grâce pour écouler leur stock. Alors que la Confédération africaine de football vient d'autoriser au Burundi d'abriter le match retour avec la République centrafricaine, la rédaction revient sur les exigences de la FIFA en ce qui est des normes internationales, notamment la construction d'un stade d'une capacité d'accueil d'au moins 10 000 places. Et le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni a reçu l'ambassadeur sud-africain au Burundi. Il lui a demandé un appui technique de la part de l'Afrique du Sud dans l'exploitation des minerais au Burundi. Et dans la chronique « Parler rassure moi », l'on parlera avec un socio-anthropologue des messages de haine propagés à travers les réseaux sociaux. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bonjour. Le gouvernement burundais sollicite un appui technique de la part de l'Afrique du Sud dans l'exploitation des minerais. C'est le porte-parole de la primature ce qu'il a dit ce mercredi après l'audience que le Premier ministre a accordée à l'ambassadeur sud-africain au Burundi. Moïse Nkurunziza indique que le Premier ministre apprécie le rôle qu'a joué l'Afrique du Sud pour que le Burundi soit retiré de l'agenda du Conseil de sécurité de l'ONU. On l'écoute. Son Excellence, le Premier ministre de l'État burundais, vient de recevoir en audience Madame l'ambassadeur de la République sud-africaine. C'était une visite de courtoisie. Les bonnes relations d'amitié et de coopération entre le Burundi et l'Afrique du Sud ne naissent pas d'hier, mais lesquelles relations se sont renforcées au fil du temps. Vous savez très bien le rôle de l'Afrique du Sud au retour de la paix au Burundi dans le processus de cessez-le-feu. Les deux autorités alors ont échangé sur le domaine de la coopération, surtout dans le domaine de la défense et de la sécurité, dans le domaine du commerce et du transport. Là, je tiens à signaler que les deux autorités ont insisté sur le transport maritime et l'exploitation des minerais, mais aussi elles ont échangé sur le traçage de la route, autoroute qui relie les deux capitales, capitale politique et capitale économique de Gitega et de Bujumbura. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a reconnu le rôle de la République sud-africaine et surtout en 2015 où certains pays ont tourné le dos contre le Burundi, mais la République sud-africaine est restée du côté du Burundi. Et même ce pays a joué un rôle crucial pour que le Burundi soit rayé de la liste des pays sous examen du Conseil de sécurité des Nations Unies. Madame l'ambassadrice de la République sud-africaine a soulevé comme un défi la pandémie du coronavirus et qui fait que les experts sud-africains qui veulent venir au Burundi pour voir ces opportunités pour exploiter ces canaux de coopération rencontrent son problème de coronavirus où ils doivent passer dans le confinement pendant 7 jours. Et alors, madame a constaté que c'est une entrave, mais de commun accord, les deux autorités ont vu qu'elles doivent travailler bien pour le bien de nos peuples. Moïse Nkurunziza, porte-parole de la primature. Et voir comment accroître les recettes, c'est l'un des objectifs de la retraite gouvernementale de ce mardi, comme le dit Prosper Naolguamie, secrétaire général du gouvernement, qui indique que cela vise la satisfaction de la population. L'objectif ultime de cette retraite, c'était de revisiter l'objectif ultime. Le président de la République a rappelé que l'objectif ultime, c'est de satisfaire autant que faire se peut la population. Et le gouvernement doit comprendre qu'il est au service de la population. Alors, on s'est rappelé les principes de base, mais à la lumière à la retraite, on est parti sur une thématique, le circuit économique et aussi comment les dépenses publiques se font. C'était, je dirais, une communication de base qui a permis les échanges et qui avait été présentée par le ministre des Finances. Alors, dans cette présentation, les ministres autour du président et du Premier ministre ont échangé sur différents aspects, voir comment réduire surtout les dépenses inutiles et voir comment accroître les recettes. Pour que l'objectif que chaque bouche puisse avoir à manger et que chaque poche puisse avoir de l'argent puisse être atteint et on ne peut pas atteindre cet objectif si on n'augmente pas la production. Alors chaque ministre en ce qui le concerne devait voir ce qu'il peut faire dans son domaine, mais tout en gardant à l'esprit qu'il y a l'unicité du gouvernement et la complémentarité du gouvernement. Prosper Nahougwami est secrétaire général du gouvernement. Et les députés et sénateurs sont en formation sur l'analyse et le vote de la loi budgétaire. Et l'activité se déroule le mois prochain pour l'exercice 2021-2022. Et cette formation va durer 3 jours dans la province de Ngozi. Le consultant Boaz Nimhe qui dispense cette formation la justifie par le manque de connaissances en la matière par la majorité des députés qui sont nouveaux et dit que les acquis les aideront à voter une loi budgétaire bénéfique pour les Burundais. Écoutez Boaz Nimhe dont les propos ont été recueillis par Arthur Kavaouchi. Il s'agissait d'un matériel de renforcement des capacités des membres du Parlement, des honorables députés et sénateurs, ainsi que les cadres du Parlement, pour les sensibiliser sur la procédure d'élaboration d'un budget de l'État, mais également comment on peut analyser pour arriver au vote d'une loi de finances qui soit une loi qui comporte un ensemble de projets et programmes capables d'impulser la croissance économique et le développement. L'objectif, c'était de doter les honorables députés et sénateurs d'un bagage suffisant, d'abord sur la dimension macroéconomique de préparation d'un budget de l'État, de savoir la manière dont le budget est élaboré, les différentes parties qui constituent la loi de finances, comment les recettes sont mobilisées, les différentes lois qui encadrent la collecte des recettes publiques, mais également le cadre légal d'exécution de la dépense publique. Il s'agit de thématiques assez techniques, mais qui demandent de les traduire dans un langage beaucoup plus compréhensible, car les parlementaires ont des horizons différents et il est essentiel de pouvoir faire une bonne communication afin que chacun, dans sa commission permanente, puisse avoir une orientation sur la manière dont il devra conduire des questionnements au gouvernement et même pour les différentes questions orales qui sont adressées aux membres du gouvernement pour ce qui est de l'élaboration d'une loi de finances, de son contenu et de l'impact surtout pour le citoyen. Donc, c'est un message que nous avons donné aux parlementaires pour leur permettre de mieux exercer le contrôle de l'action gouvernementale et de pouvoir être confortable de la manière dont ils doivent orienter les questions dans les débats sur le budget des finances de l'exercice qui va suivre, du moment où, selon la Constitution, les débats sur le prochain budget vont débuter le mois prochain, au mois d'avril. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les habitants de la ville de Bujumbura ont bien accueilli la décision de la CAF d'autoriser au Burundi d'abriter le match retour avec la République centrafricaine. Ceux qui se sont exprimés sur le micro-trottoir de la radio Isanganiro demandent au gouvernement de faire le tout possible pour construire un terrain qui remplisse les normes internationales de football. La décision du comité d'urgence de la CAF est autorisant de livrer le match qui opposera le Burundi au Centrafrique au stade d'Intwari. C'est une bonne nouvelle pour le Burundi, c'est une bonne nouvelle pour les fans, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe nationale du Burundi qui disputera cette rencontre devant leurs fans qui sont le 12e joueur, comme on aime le dire, qui va certainement encourager les Intamba Murugamba pour qu'ils puissent gagner cette rencontre. Ce sont des 3 points qui sont très très importants pour espérer à une qualification à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Cameroun vu le classement dans lequel le Burundi se trouve. Aussi, c'est une bonne occasion pour les Intamba Murugamba de se préparer sereinement sans faire les déplacements qui parfois fatiguent les joueurs. J'ai accueilli avec la grande satisfaction la décision prise par la Confédération africaine de football d'autoriser le stade Intwari d'abriter le match qui oppose notre équipe nationale Intamba Murugamba contre la République centrafricaine qui aura lieu le 26 mars prochain. Ce que nous demandons à l'intention de la Fédération Burundaise de football, qu'il puisse faire tout possible pour construire un stade qui réponde aux normes de la CAF en fait d'éviter que les compétitions puissent être délocalisées dans d'autres pays. Nous, les supporters, vraiment, nous sommes très très contents en tout cas d'accueillir l'équipe de jouer ici. Surtout, nous serons derrière eux jusqu'à la fin du match parce que ça nous donne la force vraiment de continuer jusqu'au bout, de soutenir notre équipe ici au Burundi. Le gouvernement qui nous aide beaucoup vraiment de construire des terrains ici au capital parce que nous, les supporters, nous sommes derrière le gouvernement, nous sommes derrière notre équipe. C'est une bonne occasion de commencer à faire des études pour que nos stades respectifs qui ont été construits dans les différentes provinces puissent répondre à des normes internationales. Que ces stades soient retouchés pour qu'on puisse demain ou après-demain avoir deux ou trois stades internationaux. Pourquoi pas ne pas construire un stade international digne de son nom. Des stades qui ont été construits de gauche à droite et ont servi dans le développement du football burundais. Mais aussi on voit des gens qui veulent construire d'autres stades. Mais que ces personnes qui veulent construire des stades de gauche à droite puissent d'abord consulter les experts pour qu'ils puissent construire des stades qui répondent aux normes internationales. Voilà, c'était les avis de quelques amateurs du Ballon, le football. Et je vous l'avais dit, la rédaction Isanganiro revient sur les conditions de la FIFA pour qu'un pays puisse accueillir des matchs internationaux. Et c'est notamment la construction d'un stade d'une capacité d'accueil d'au moins 10 000 places. Évariste Nzikobanyanga. Ce stade exigé par la FIFA doit avoir comme norme des tribunes avec sièges numérotés, un terrain de longueur minimum de 100 mètres ou 110 mètres au maximum, la largeur minimum de 64 mètres au minimum et maximum de 75 mètres. Le terrain doit être équipé d'un système de drainage, deux bancs couverts, chacun avec sièges pour au moins 14 joueurs, situés à au moins 5 mètres de la ligne de touche, et équipé de 5 mâts permettant à 5 drapeaux d'être hissés. L'éclairage est aussi sur la liste des exigences de la FIFA. Il doit être fourni sur tout le terrain, important pour la couverture audiovisuelle et en haute définition. Exigence d'une alimentation de secours indépendante capable de fournir un éclairage d'une intensité équivalente instantanément et sans interruption. Deux vestiaires équipés chacun de 5 douches, de 5 toilettes individuelles, 2 sièges et casiers pour 25 joueurs, une table de massage, un tableau tactile, eau chaude et froide, une bonne ventilation et climatisation, de bonnes vestiaires pour les arbitres avec les exigences minimales comme une douche, une toilette et 4 sièges, 4 casiers et un bureau, une connexion internet, une bonne ventilation ou climatisation, un réfrigérateur, un tableau tactile, une trousse de premier secours et un panneau électrique de changement de joueur. À ce niveau, le stade doit garantir un accès direct, privé et sécurisé pour les équipes et les arbitres, de leur vestiaire jusqu'au terrain de jeu. Le stade doit avoir une salle de réunion pour accueillir au moins 20 personnes et les chaises étables disposées en forme de U. Des places de stationnement pour un minimum de 2 autocars et 10 voitures pour les équipes et les officiels du match. Également une aire de stationnement pour les supporters, une infirmerie pour les joueurs et l'autre pour les officiels dotée de matériel bien déterminé, une salle de contrôle antidopage. Le stade exigé par la FIFA doit avoir la capacité d'accueil d'au moins 10 000 sièges dotés d'un système de haut-parleurs qui couvre à la fois l'intérieur et l'extérieur et doit être doté d'un accès et de places adaptées aux spectateurs handicapés. Ce stade a une obligation d'avoir une salle de conférence de presse et équipée d'une plateforme pour caméra, d'une estrade, d'un système de sonorisation d'au moins 50 sièges. Merci Évariste. Je vous l'avais dit, la suspension de l'importation du maïs et de la farine est une mesure prise à la hâte. C'est en tout cas l'avis de certains vendeurs de farine importée exerçant au marché de Kinama et Jabé à mairie de Bujumbura. Au moment où des consommateurs estiment que la mesure est prise pour leur bien-être, d'autres vendeurs pensent qu'ils enregistreront plutôt de grosses pertes. Au regard des quantités qu'ils avaient stockées, ils demandent la prolongation du délai de vente pour vider les stocks. Omer Ndouayo. Kuko twari tumaze igihe tubukoresha urumva twaramaze kubononekara rero byaradutangaje cyane bavuze yuko ubwo buva hanze au marché de Jabé comme celui de Kinama dans le lieu où on vend la farine du maïs importé, on y voit beaucoup de sacs contenant de la farine. Ceci se distingue par les noms mentionnés sur les emballages. Ici on distingue quatre sortes dont la farine timki, wachi, tayari et tamtam qui est la plus stockée. Les commerçants approchés disent qu'ils ne comprennent pas la décision sortie par le ministère royal au commerce dans ses attributions interdisant l'entrée de la farine et graines de maïs venant de l'extérieur. Ils craignent être touchés par cette décision vu que leurs stocks sont pleins de cette marchandise importée. C'est une décision qui a été prise sans les avertissements des vendeurs de cette farine. Donc l'État doit veiller à comment il peut rembourser, peut-être ou bien aider ces vendeurs de cette farine, leur donner par exemple une indemnité ou bien leur faciliter comment ils peuvent continuer à vendre cette farine déjà importée sans qu'ils enregistrent donc une perte énorme. Pour nous les vendeurs, la situation sera compliquée en général car cette farine a été déjà prise comme la nourriture de toujours. Cette décision prise ira changer plusieurs choses dans nos activités de vente. Nous avons le souhait de prier le temps de chercher les différents moyens pour produire de la farine semblable à celle importée. De l'autre côté, les consommateurs de cette denrée trouvent cette décision favorable pour la protection de leur santé. La décision de suspendre la farine de l'importation est bien faite parce que peut-être que l'État a bien fait des études pour tester la nutrition que nous consommons mensuellement ou bien journalièrement et qu'il y a quelques problèmes que nous trouvons dans ce qualité de farine. Les commerçants demandent au gouvernement de leur fixer un délai pour écouler la farine stockée. Omer Ndouayo, et en bref, avant la chronique sur les messages de haine, 402 familles d'ici de Kigaramango victimes des inondations en zone Gatumba ont reçu de la part du ministère de la Solidarité Nationale une aide de 150 000 francs burundais pour le loyer, des ustensiles divers et des vivres pour 3 mois afin de quitter cet endroit. Imel Dessabou Chimique, ministre de la Solidarité Nationale, conseille à ces familles de ne pas gaspiller cette aide. Elle ajoute que cette activité lancée officiellement ce mercredi va se poursuivre afin que toutes les familles quittent ce site d'ici la fin de ce mois. Et les habitants de la localité de Nyamitanga de la zone d'avant, commune Bouganda de la province Tibitoke expriment leur inquiétude face aux hippopotames qui envahissent leurs champs. Ils affirment qu'une personne, une vache et un mouton ont déjà été tués par ces hippopotames dans un délai de 2 mois. Le responsable de l'Observatoire burundais pour la protection de l'environnement dans cette province demande à cette population d'éviter de cultiver sur les rives de la rivière Rusizi qui sert de pâturage à ces hippopotames. Et les champs de différentes cultures étendus sur une superficie de 519 hectares, 24 maisons et 15 ponts reliant différentes collines ont été détruits par de fortes pluies tombées sur la commune Kayanza ces derniers jours. La population victime de ces dégâts crie au secours. Gilbert Nyandoui, administrateur de la commune Kayanza, appelle la population à la solidarité locale. Et un élève de la troisième année dans la section pédagogique au lycée Kayanza est depuis hier placé en garde à vue au commissariat de Kayanza dans cette province. Selon les informations fournies par la direction de cet établissement, il est accusé d'être parmi les élèves qui ont volé les cahiers suiveurs des élèves au bureau du directeur de l'internat à cette école la nuit de lundi, après s'y être introduit par effraction. Au niveau de la police judiciaire, on indique que les enquêtes continuent pour attraper d'autres présumés auteurs de ce vol. Parle, rassure-moi. La chronique sur la lutte contre les messages de haine. Aujourd'hui, nous parlons du phénomène de propagande des messages de haine sur les réseaux sociaux. Et ce phénomène peut s'expliquer d'une part par le passé douloureux qu'a traversé le pays et d'autre part par le fait qu'il y ait des gens qui se sentent lésés dans leurs droits. Les explications de Lambert Hakuziaremie, socio-anthropologue, il s'est entretenu avec Obani Onguru. Le phénomène de propagation des messages de haine sur les réseaux sociaux s'observe non seulement à travers le monde, mais aussi dans la société burundaise. Ce phénomène peut tirer ses racines dans le passé douloureux qu'a connu le pays. Lambert Hakuziaremie est socio-anthropologue. C'est consécutivement au passé de notre société qui a été douloureux. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont des séquelles, qui ont des traumatismes. Et pour se refouler ou pour exprimer cette colère, ils font recours à ce genre de discours qui propage la haine. La deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui sont frustrés parce qu'ils se sentent lésés dans les droits. Ils se sentent comme quoi leur opinion n'est pas prise en considération au niveau peut-être de la gestion de la communauté, de la gestion de la société. Aux lecteurs de ces messages de haine diffusés sur les réseaux sociaux, ce socio-anthropologue leur conseille de ne pas considérer à la lettre ces messages. Pour lui, il ne faut pas aussi seulement montrer que la société a connu une histoire sombre, mais aussi, il faut montrer qu'il y a des choses positives qui ont été accomplies. Comme les réseaux sociaux permettent aux gens de faire des commentaires, il faut que les individus, tout le monde, soient mobilisés et surtout pour déconstruire, pour montrer à ces gens qui diffusent ces messages que ce n'est pas bon pour la société. Il faut permettre aux gens de laisser des commentaires pour montrer à ces gens qui diffusent ce genre de messages que ça n'a plus de place au niveau de notre société, que si l'individu n'est pas bien dans ses affaires, que bien sûr, il faut passer par une voie pacifique et surtout penser à la cohésion de toute la société au-delà des intérêts individuels. Pour déconstruire ce phénomène, Lambert Yakoudziaremye propose plusieurs voies, dont le fait de passer par la niche écologique de ce phénomène, ainsi que l'implication des autorités. Il faut aussi passer par ces milieux pour une déconstruction de ces discours, de ces messages qui propagent la haine. Aussi, la deuxième chose, c'est qu'il faut une implication de l'autorité, et surtout pour punir ces gens-là qui diffusent ce genre de discours une fois qu'ils sont identifiés. L'autre chose, c'est que nous avons une comité vérité-réconciliation qui doit jouer son rôle, et jouer son rôle sans parti pris. Lambert Yakoudziaremye ajoute qu'il faut aussi des séances d'éducation et de sensibilisation pour que les gens sachent que ces messages peuvent aboutir à des conflits de masse. Merci Aubin Nyonguru. Cette chronique met fin à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Eli Kadogo pour la mise en onde. Au micro Jean Bosco Ndouimana, passez un très bon après-midi.